Et ce soir, j'aurais aimé commencer par parler sur le rôle de la femme dans l'Église. Je vais essayer d'aller très rapidement parce que je veux passer à la solution dans tout cela. I'll go fast because I want to get quickly to the solution in all this. Je crois que vous serez d'accord avec moi que dans les 40 dernières années, you would agree with me that in the last 40 years or so, les choses ont bien changé concernant le rôle de la femme dans la société même. Things have changed drastically, even concerning the role of women in society. Je pense que dans les environs de les années 70, I think it's around, il y a eu ce mouvement de la libération de la femme. In the years 70, that was the movement of the liberation of women, qui a emmené une nouvelle évaluation du rôle de la femme dans la société. Who brought a new evaluation of the role of women in society. Dans le monde, ça a commencé in the dans world. Le monde. It started in the world. Et quand nous réalisons aujourd'hui, and as we realize today, que la société, le monde, le système, society, the world, its system, veut emmener la femme égale à l'homme. Wants to bring the woman at the same level as men. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je remarque que la femme, de plus en plus, a une tendance de manifester une autorité. I see that personally that woman has got a tendency to manifest more and more authority. Jusqu'à même essayer d'usurper l'autorité de l'homme. Up to the place to try to steal and to remove the authority from men. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. I don't know if you agree with me. Mais je voudrais vous rappeler que dans toute l'histoire de l'Église. But let me show you that in the whole story of the church. À part dans la même époque. Apart from the same time we're speaking about, dans l'Église, il y a eu un commencement de changement concernant le rôle de la femme dans l'Église. N'ayez pas peur, les femmes. Hein. To be a change. Calmez-vous. From the role of the woman in the church. So stay cool, ladies. On ne va pas vous écraser, on ne va pas vous détruire. We're not going to give you a hard time or to crush you down. Don't worry. Mais je crois que c'est important pour nous. It's important for us. De mettre les choses à la place que Dieu veut. To put things where they belong. And where God wants them to be. Selon ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. According to what God teaches us in his word. Et ne pas nous laisser influencer par une vague du système et de l'esprit qui règne dans le monde. And not to allow ourselves to be influenced by a wave or an influence that comes from the world. C'est ça ce qui s'est passé un petit peu dans l'Église. This is what happened somewhere in the church. Il y a eu une évolution. There has been an evolution. Plus lente. Slower. Quand le monde a commencé à changer dans ce domaine. When the world started changing in that area. Dans l'Église, ça a été un peu plus lent. In the church, it came more slowly. Mais dans les dernières années, nous voyons qu'il y a eu une accélération bien noticeable. Remarquable. But in the last years, we can not see year, that... quelques dernières années. In the last years? Years. Yeah, I said last years. We can see that there's been a change that's becoming more noticeable. Bon. Vous voyez, l'égalité de l'homme avec la femme... Sorry, can't hear. L'égalité de l'homme avec la femme, man and woman being equal, qui est en train de venir s'installer dans le monde, which is taking place in the world, doit être bien analysée. Must be analyzed properly. Dans le monde aujourd'hui, in the world today, les femmes ont presque la même autorité que l'homme. Women presque. Carry nearly the same authority as men. C'est en train de se développer au fur et à mesure. It's developing as time goes. Je crois que dans les familles, dans le monde, in families, in the world, on peut remarquer ce genre d'instabilité. We can notice that kind of instability. Et il y a 50 ans de cela, 50 years ago, où était, allons dire, le rôle de la femme dans l'église? Where was the role of the woman in the church? What was the role of the woman in the church? Avant cette époque. Before those days. Peut-être que c'était bien exagéré. Maybe it was exaggerated. Dans le sens où la femme dans l'église même ne pouvait rien faire. In the sense that woman in the church could do nothing. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir sa bouche. She couldn't open her mouth. Elle n'avait pas le droit de prophétiser. She couldn't prophesy. Elle pouvait simplement rester là et écouter tranquillement sans ouvrir la bouche. She could just be there and listen quietly. C'était comme ça un petit peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une évolution d'un extrême à un autre extrême. But what happened is that there's been an evolution from one extreme to another. Et il semblerait que l'Église a suivi un petit peu cette évolution qui se passait dans le monde. And it appears that the church has somehow followed that evolution that happened in the world. Si on peut dire, dans... il n'y a pas eu comme un arrêt. It's not been like stopping. Selon l'Évangile, according to the gospel, mais il y a eu une continuation, but there's been a continuation, influencée par le système du monde, influenced by the system of the world. C'est pourquoi je me dis toujours, est-ce une coïncidence que ça se passe comme ça aujourd'hui? And I'm asking, is it a coincidence that it's happening like this today? Est-ce que cela ne nous interpelle pas? Isn't it challenging us? Est-ce qu'on ne voit pas le plan du diable, quelque part, pour déranger l'Église et détruire la cellule familiale en même temps? Can't we see a plan of the devil to disturb the church and destroy the family unit at the same time? Vous savez, tout ce que le monde est en train de vouloir faire aujourd'hui, everything the world is wanting to do today, est dangereux. It's very dangerous. Malheureusement, l'Église a une oreille. Unfortunately, the church has got an ear pour écouter et entendre et voir ce que le monde fait. And to see what the world does. Il y a une tendance pour essayer de prendre certaines choses dans le monde pour venir installer cela dans l'église. And has got a tendency to take a few things from the world and come and put it into place in the church. Et cet état d'esprit qui règne dans l'église aujourd'hui, that state that is in the church today, a engendré un grand nombre de ministères d'autorité attribués à la femme dans l'église. Has given birth to a great amount of ministries carrying authority in the church entrusted to women. Moi, je crois, je suis convaincu que la doctrine de Christ n'évolue pas avec le temps. I'm convinced that the doctrine of Christ doesn't evolve with time. Nous devons rester dans la vision. We must stay in the vision. Dans la sainte doctrine. In the sound doctrine. Et ne pas nous laisser influencer. And not allow ourselves to be influenced. Demeurer dans la parole de Dieu. To dwell in the word of God. Quand on regarde dans la parole de Dieu, when we look in the word of God, même dans le livre des Actes des Apôtres et dans tout le Nouveau Testament, in the book of Acts of the Apostles and the whole of New Covenant, nous voyons que les femmes avaient un grand rôle à jouer. We see that the women had a great role to play. Mais dans aucune place, but nowhere, nous voyons une femme, do we see a woman, établie comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Established as an apostle, a prophet, a pastor, or a teacher. Il faut noter we need to take que ces cinq ministères that this fivefold ministry sont des ministères d'autorité. Are ministries of authority. Et si on comprend que ces ministères sont des ministères d'autorité, if we understand that these ministries are ministries of authority, nos yeux vont s'ouvrir sur beaucoup de choses. Our eyes will be open on many things. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. I don't think it's a coincidence. Que Jésus a choisi 12 hommes pour être ses 12 disciples et ses 12 premiers apôtres. I don't think it's a coincidence that Jesus chose 12 men to be his first 12 disciples and apostles. Et même quand il en restait 11, and even when there was 11 left, et qu'il fallait ajouter un autre. And they needed to appoint another one. Après que Jésus fut ressuscité et que l'Église avait commencé. After Jesus was risen and that the church had started. Il fallait que ce soit quelqu'un choisi qui était témoin de la résurrection de Jésus-Christ. It had to be a man that had been chosen and had been a witness of the resurrection of Jesus Christ. Donc il n'y avait pas seulement les hommes qui étaient témoins de la résurrection de Jésus. There was not only men who were witnesses of the resurrection of Jesus. Mais but les 11 qui restaient, the 11 who were left behind, ils ont voulu choisir un homme. They wanted to choose a man. Et il y en avait avec eux, they had with them, deux qui étaient témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Two of them were witnesses of the resurrection of Jesus. Il y avait Joseph et il y avait Matthias. Joseph and Matthias. Et nous savons que c'est Matthias qui a été choisi pour faire le 12e apôtre pour remplacer Judas. And we know that it's Matthias that was chosen to replace Judas. Aujourd'hui, today, les femmes occupent tous les ministères d'autorité. Today we see women in all ministries of authority. Dirigent les églises locales. They run local churches. Introuvable dans le Nouveau Testament. We can never see such an example in the New Covenant. Ils dirigent des congrégations avec autorité. They run congregations with authority. Et souvent, je dis bien souvent, and often, sans une réelle soumission de cœur. Without a true submission of heart. C'est eux qui dirigent. They run, they rule the church. Et qui manifestent l'autorité. And manifest that authority. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, nous voyons que Paul enseigne. In the epistle of Paul to the Corinthians in chapter 11, we see that he teaches que Dieu est le chef de Christ. That God is the head of Christ. Que Christ est le chef de l'homme. That Christ is the head of man. Et que l'homme est le chef de la femme. And that man is the head of a woman. Paul est en train d'enseigner un ordre d'autorité. Paul is teaching an order of authority. Non seulement dans le naturel, mais bien aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Not only in the natural, but also and meaning the Church of Jesus Christ. Il faut comprendre que c'est Dieu qui a établi cela. We must understand that this has been established by God Himself. Et ce n'est pas nous. It doesn't belong to us. En étant influencés avec ce qui se passe dans le monde. With the influence of what's happening in the world. Venez essayer. To try to come, de rectifier cet ordre d'autorité un peu comme nous voulons. To change that order of authority a bit like we would like. Ou changer l'ordre d'autorité. Or change that order of authority. Cet ordre d'autorité doit être respecté dans l'Église de Jésus-Christ. That order of authority must be respected in the Church of Jesus Christ. Et si une femme and if a woman opère dans le ministère apostolique is operating in the apostolic ministry or prophetic ministry, qui est un ministère d'autorité, which is a ministry of authority, nous pouvons conclure, we can conclude, qu'elle n'est pas à sa place. That she's not in her place. Elle peut avoir des dons prophétiques, she can have prophetic gifts, mais c'est une grande différence d'avoir des dons prophétiques et d'être une prophétesse. It's a big difference from, there's a big difference between having the prophetic gifts and being a prophetess. C'est différent de partager la parole de Dieu, it's different to share the word of God, et d'être and to be un apôtre. An apostle. Ou un pasteur. Or a pastor. C'est totalement différent. It's a different thing altogether. Pourquoi? Why? Parce que ces cinq ministères, because these five ministries, transportent une autorité qui vient de Dieu. Carry an authority that comes from God. Est-ce qu'on comprend? Do Est-ce que understand? C'est clair? Donc on ne peut pas changer cet ordre d'autorité. Therefore one cannot change that order of authority. C'est pourquoi je suis convaincu que l'Église a été influencée par le système de ce monde. This is why I'm convinced that the church has been influenced by this system of the world. Même dans beaucoup de familles aujourd'hui, même dans l'Église. And even in many families today, even in the church. Il se passe des changements. There are changes happening. Où la femme, where the woman, influencée par le système et tout ce qui se passe dans le monde, influenced by all that's happening in the world, veut prendre cette autorité, wants to take the authority, décider, decide, dans une famille, in a family, C'est courant aujourd'hui. That is something common today. Et c'est un problème majeur. It's a major problem. Et si c'est un problème majeur dans le monde, and if it's a major problem in the world, nous ne pouvons pas permettre que ce même problème pénètre dans l'Église aujourd'hui. We can't allow that same problem to enter the church today. Parce que ça va être un désordre. Because there will be disorder. Quand on change l'ordre d'autorité de Dieu, when we change the order of authority of God, c'est clair, it becomes clear, que ça va venir créer un désordre. It's going to create disorder. Obligatoire. Si ce n'était pas important, Dieu n'aurait pas installé cet ordre d'autorité. If it was not that important, God would not have put into place that kind of authority. Et ce qui est terrible, and what's terrible, c'est que les familles sont en train d'être écrasées, détruites. That families are being destroyed and disbalanced. Et moi, je suis convaincu. And I'm convinced. Peut-être que ce n'est pas votre conviction. Maybe it's not your conviction. Mais c'est ma conviction. It's my conviction. Que cette influence du monde, that this influence of the world, qui veut élever la femme dans le même ordre que l'homme, that wants to rise the woman up to the same level as men, la femme peut être égale à l'homme dans beaucoup de choses. Of course, women can be equal to men in many areas. Il n'y a pas de souci. No problem with that. Il n'y a aucun problème. Mais quand on vient à la parole de Dieu et l'Église de Jésus-Christ, when we come to the word of God and to the church of Jesus Christ, il y a un ordre d'autorité qu'il nous faut respecter. There is an order of authority that needs to be respected. Et dans la parole de Dieu, nous voyons, and in the word of God we dans see, le Nouveau Testament, in the New dans les épîtres de Paul, in the epistles of Paul, que Paul a instruit et a ordonné that, les frères that Paul ordained d'aller brothers, nommer des anciens dans l'Église. To go and appoint elders in the church. Et dans la parole de Dieu, on va un peu partout. And everywhere we go in the word of God, on cherche une femme apôtre. We look for a woman who was an apostle. On cherche une femme prophétesse. Or a prophet. On n'en trouve pas. We cannot see. Pourquoi est-ce que nous allons inventer aujourd'hui? Why should we invent today? C'est pourquoi je suis convaincu que c'est une influence qui vient du monde. This is why I'm convinced it's an influence that comes from the world. Et c'est extraordinaire que l'Église a une habilité de copier le monde. And it's incredible how the church has an ability to copy the world. Dans beaucoup de choses. In many things. Comme nous avons vu un petit peu hier. As we saw yesterday. C'est dangereux. It's dangerous. Et quand nous regardons la parole de Dieu, when we look at the word of God, c'est clair. It's very clear. Tous ceux qui avaient un ministère d'autorité, all those who had a ministry of authority, étaient des hommes. Were men. C'est le choix de Dieu. It's a choice of God. C'est pas que nous avons quelque chose ou Dieu a quelque chose contre les femmes, mais c'est la manière qu'il a institué la chose. It's not that God or us have something against women, but it's the way God has instituted that. C'est pourquoi si vous regardez l'histoire de l'Église, if you look at the history of the church, jusqu'à il y a 40-50 ans. Up to the last 50 years ago. Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? Des hommes en autorité dans l'Église. Men in authority in the church. Et les femmes étant là women pour were aider, there, soutenir, to help, to support, être une aide, to be an help, emmener ce que le Seigneur dépose dans son cœur, to bring what the Lord places in their hearts. Parle de la part de Dieu. They speak from God. Dieu parle aux femmes de la même manière qu'il parle aux hommes. God speaks to women the same way he speaks to men. Dieu ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. God doesn't make any difference between men and women. Mais Dieu a placé une autorité dans l'homme qu'il n'a pas placé dans la femme. But he's given an authority to men that is not given to women. C'est pourquoi aujourd'hui les familles sont en train d'être détruites non seulement dans le monde, mais même dans l'Église. This is why today we see families being totally destroyed, not only in the world, but also in the church. Avec des ministères d'autorité attribués aux femmes. With ministry of authority given to women. Où elles s'attribuent elles-mêmes. Or they appoint themselves. Le ministère d'apôtresse et de prophétesse. These ministries. Et c'est courant dans le monde chrétien aujourd'hui. It's something common in the Christian world today. Que c'est pas seulement, il n'y a pas seulement un pasteur dans l'Église, il y a pasteur au pluriel, parce que c'est pasteur Mickey et pasteur Audrey. Today it's not pastor only, it's pastors, because it's pastors Mickey and Audrey. Donc en d'autres mots, in other words, je marie quelqu'un. L'onction de Dieu est sur ma vie. I marry somebody, the anointing of God is on my life. Comme je la marie, as I marry them, l'onction de Dieu tombe. The anointing of God falls on the other one as well, on her. Et on partage l'autorité de Dieu maintenant. And as from now, we share the authority of God. C'est comme ça que ça se passe dans l'église. It's how it's happening un peu in partout. The church. Everywhere. Mais si on comprend l'ordre d'autorité de Dieu, on va facilement accepter. But if we understand the order of authority of God, we will easily accept. Que l'homme a une place d'autorité. That man has a place of authority. Et que la femme a une place de soumission. And that the woman is in a place of submission. On va pas parler sur ce sujet ce soir. We're not going to speak about that subject tonight. Non. Mais on va simplement informer le peuple de Dieu. But we will just inform God's people. Qu'il y a un ordre d'autorité qui doit être respecté dans l'Église. That there's an order of authority that must be respected in the church. Et je sais que ce que je suis en train de dire, I know what I'm saying, va créer beaucoup, beaucoup de secousses. Is going to bring quite a much shaking. Je sais très bien. I know it. Parce que ce phénomène a pris racine dans l'église. Because that phenomenon has taken root in the church. C'est pas une petite mauvaise herbe. It's not like a little weed. C'est un tronc. It's a huge trunk. Avec des énormes racines qui ont infiltré partout. With deep roots that have gone everywhere. Allez déraciner ça maintenant. Try to uproot that. Il n'y a qu'un miracle de Dieu. Can only be a miracle of God. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut ouvrir les yeux. That only the Spirit of God can open the eyes. Vous voyez, mes frères, nous vivons dans un temps où nous ne pouvons plus nous dépendre sur une expérience, mais sur la parole de Dieu seulement. We are living in the days where we can no longer depend on an experience, but we must depend our life on the Word of God. Un exemple ne peut pas venir une. L'exception ne fait pas la règle. Une habitude, une règle. The exception doesn't become the rule. One example cannot become the rule. Bon, mais je sais que ça secoue là, mais c'est pas grave. I know it's shaking, but let's stay cool. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la place que la femme a ne la diminue pas. But what's wonderful is that the place that the woman has in the church doesn't in any way diminish her. Parce que dans la place qu'elle doit se trouver, because in the place where she should find herself, c'est là où elle est réelle. This is where that she belongs there. C'est là où elle devient la réelle femme de Dieu. It is where she will be able to really become the true woman of God. Et quand je parle de femme de Dieu, je ne parle pas d'apôtre, de prophétesse et de tout ça. Je parle d'une femme qui est à la place que Dieu veut qu'elle soit. When I'm speaking of a woman of God, I'm not speaking of a ministry, but of a woman who is where God wants her to be. C'est pourquoi il y a eu une évolution. This is why there has been an evolution. D'un extrême où la femme, on ne pouvait même pas, elle n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche. From one extreme where a woman couldn't even open their mouth. D'un autre extrême. To another extreme. Où elle maintenant, elle est en autorité, where elle dirige l'Église de Jésus-Christ. Where she has taken over the church of Et je Jesus vous fais Christ. Remarquer I mean, let's notice something. Que quand une femme dirige l'Église, 95% de la congrégation est féminine. When a woman rules the church, a great percentage of the congregation is woman. Et c'est dangereux d'avoir cette place, je vais vous dire pourquoi. It's dangerous to be there, let me tell you why. Parce que l'homme se retire. Because men will withdraw. Et c'est la femme qui coupe et qui tranche et ça vient jusqu'à la maison. And then the woman is the one who makes all decisions and it reaches the house. Parce que si le mari se soumet à l'autorité de sa femme dans l'église, je ne vois pas comment il ne va pas se soumettre à cette même femme dans la maison. Because if the husband is submitting to the authority of his wife in the church, I don't see how in the house he will take authority. He will rather submit himself to his wife. Ouais, ça va être bien, bien dur pour lui. To be very tough. Et qu'est-ce qui se passe au sein de la famille? What happens in the midst of the family? Les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? What do the kids see? Ils voient un ordre contraire à ce que Dieu établit. They see an order totally contrary to what God has established. C'est tout. Et les petites filles qui commencent à grandir. And all these little girls that start growing. Comment est-ce qu'elles grandissent? How are they growing? Ça va pas un jour se rebeller contre leur mari un jour, ça? Don't you think they will rebel against their husband one day? C'est l'exemple qu'ils voient. This is the example that is set before them. Et c'est ça qui détruit. And this is what destroys. Parce que quand chacun n'est pas à sa place, because when each is not at his place, c'est la grande bouleverse. It's a big problem. Et on ne peut pas venir dire Dieu m'a dit. And we can't come and say God told me. Je sens. I feel. C'est mon appel. It's my call. On doit, dans les derniers jours, retourner à la parole de Dieu. More than ever in the last days, we must come back to the word of God. Bien qu'aujourd'hui, even though today, il y a tellement de choses qui se passent. There are so many things happening. C'est pourquoi on a besoin de séparer le précieux et le vil. This is why we need to separate the precious from the vile. OK, vous allez me dire, mais telle sœur, un tel. You will tell me, sister, so and so. A évangélisé. Has evangelized. Vous allez rencontrer, voir sur son website. Got a website. Ben, il y a des milliers de personnes qui viennent à Jésus. Thousands of people are coming to Jesus. Gloire à Dieu. Wonderful, glory to the Lord. Mais ça ne la place pas dans un. That doesn't make an evangelist. Ça ne mène pas dans une place d'autorité pour diriger l'église de Jésus-Christ. That doesn't put her in a place of authority to rule the church of Jesus. Nous avons tous le droit d'aller sur la rue, de prendre un micro et de prêcher l'évangile. We all have the right to go on the street, take a mic and preach the gospel. Nous avons tous le droit. We can all do that. Même les enfants. Even children can do that. Qu'importe qui. Whoever. Mais chacun. But each. Doit être à sa place, must be selon in his place, que Dieu a établi according dans la parole de Dieu. To the order God has established in His Et word. Il est temps qu'on arrête de se rebeller contre la parole de Dieu. It's time that we stop rebelling against the word of God. Il est temps qu'on se soumette à la parole de Dieu. It's about time that we submit to the word of God. Même si pendant 25 ans on a cru quelque chose. Even if we've believed something for 25 years. Yes. Oui. Même si pendant 25 ans on a cru quelque chose. Even if we believe something for 25 years. Il nous faut se plier. We need to surrender. S'humilier. To bow, to humble et ourselves. Retourner. And come back. À l'origine. To the original pattern. La parole de Dieu. The word of God. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. This is the problem of the church today. On met de côté la parole de Dieu. We put aside the word of God. On fait selon ce que quelqu'un a dit. We do according to what someone said.